couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Et j'ai même envie de dire parfois de la grande région. Pierre, au micro, que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, on vous souhaite un bon appétit. Votre estomac est contenté, votre palais adore ce qu'il mange. Ça fait du bien. Mais nous, on va nourrir autre chose. On va nourrir votre âme, on va nourrir votre esprit, on va nourrir votre cœur avec une musique chaleureuse, un reggae teinté de rock, des accents de guitare électrique, un très très beau travail sur les voix, du piano Rhodes sur certains morceaux. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est un artiste qui a pignon sur rue. Et oui, je le dis, dans le domaine du reggae, dans le coin, je le connaissais avant qu'il me demande s'il pouvait participer à l'émission. Et donc, ça fait plaisir de le rencontrer en vrai. On est avec Tony Neftali. Yes, merci, merci beaucoup. Merci. Ça va ? Ça va et toi ? Ben, ça va, c'était une belle introduction en matière. Hein. Ah ouais, ouais, bah, ah toi, ouais. T'as bien défini l'album. Hein. Écoute, ben, voilà. Je vais t'engager. Avec grand plaisir, Tony. Alors nous, on est sur Facebook, Fadjet-6, couleur locale, toi aussi tu y es, tu as ta page. Donc nom de famille, tu vas aller plus, tiens. Tony Neftali, N-E-P-H-T-A-L-I. Voilà, parce que j'avais peur de faire une boulette. Donc, du coup, et Tony avec un Y. Avec un Y, ouais, parce que bon, moi je connaissais un Jonathan quand j'étais petit, et quand les profs l'appelaient Jonathan, il était là, c'est Jonathan. Donc c'est un peu pareil, tu vois. On n'écorche pas les prénoms, ouais, les prononciations. Faut rester cohérent. Bon, on s'en tape en fait, on n'est pas là pour ça. 94.2 FM à Nancy et Fadjet.net. On va parler de toi, de ta musique. On va écouter trois titres qui sont issus de ton dernier album qui s'intitule Chapter One. C'est ça. Qui est dispo sur toutes les bonnes crémières. Vous connaissez les auditeurs, on est sur Deezer, Spotify, Amazon, Apple, iTunes, tout ça. iTunes, mais ce n'est pas le seul album que tu as sorti, puisque ça fait un moment que tu fais de la musique. C'est ça. On a également Croisade, qui est sorti en 2012. C'est ça. Et puis des singles. Quelques aussi, singles. Quelques, ouais, singles. Ouais. Tu as une chaîne YouTube où il y a des clips qu'on peut évidemment regarder. On joindra malheureusement que l'audio, puisqu'on est en radio. On écoutera Devolve Society qui est clippé. On aura une petite annonce à faire aussi sur un prochain clip. Ça, on aime bien les exclus, sur Fadjet. On a également le clip du titre Monsieur le Président. Laisse les croix. Alors je ne sais plus écrire, mais je te promets que j'ai fait mon travail de journaliste. J'en doute même pas. Il y aura des dates aussi à annoncer, parce que tu as une sacrée tournée pour 2023. Dont une prochaine date le 25 février à Amnéville, au Seven Casino. Ça, c'est quand même pas mal. Je vais dans un casino, tu seras pas tout seul. Tu es avec Pierre-Paul Jacques, Neg Marron, Daddy Maury. Alors je connais Pierre-Paul Jacques de nom, les autres noms, alors on découvrira ça. Moi je suis sûr que tu connais. Ouais, tu penses que je connais, mais oui, que je sais pas, j'ai oublié. Neg Marron, Le Bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Ah bah oui, voilà. Non mais bon bah voilà. Et des fois on connaît des morceaux, mais on n'a pas le nom des gens. Ça fait longtemps qu'on les a plus vus dans le coin. C'est des musiques qui passent plus un peu moins en radio maintenant, mais qui ont été des grands hits, des standards de la musique française. Ouais. Et tu vas partager l'affiche avec eux, et ça c'est quand même très très sympa. C'est très très sympa. Tu as commencé comme musicien et parolier pour l'artiste Delphine. On s'est rejoint il y a une dizaine d'années, mais j'ai commencé il y a 22-23 ans, la première 22, scène. 23 ans. Tu fais pas si vieux finalement. Ouais, ça conserve la musique. Ça conserve. Donc tu étais avec elle pour son premier album, c'est ça, Blue Soul. Et puis tu t'es lancé finalement, enfin, t'as continué sur ta lancée. J'ai repris ma carrière, voilà. T'as repris ta carrière. Voilà, donc reggae. Alors je sais que pour les aficionados, les fans de reggae, quand on dit reggae, ça peut vouloir dire plein de sous-genres. Alors on va creuser un petit peu quand même, surtout pour les gens qui kiffent le reggae. C'est quoi ton style de reggae à toi plus ? Ah, moi c'est plus un reggae rock que reggae sauvage, ouais, j'ai envie de dire un peu. Reggae, voilà. Reggae rock, on le voit dans les morceaux de la guitare oui, électrique. C'est vrai que voilà, je suis très rocker à la base, je suis très guitare, j'aime quand ça bouge, même si j'aime beaucoup le roots. C'est vrai que j'aime beaucoup l'énergie. et la puissance, musicale qui se dégage. La puissance. C'est ce que j'essaie de transmettre, en tout cas de ressentir quand je joue. Quoi. Transmettre et ressentir. Ouais. Je te promets, je vais arrêter de répéter les derniers mots que tu dis dans tes phrases, ça va être très, ça va être très chiant. Donc on est plus sur du reggae rock, mais pas que, parce que ton album, un Chapter One, il y a un peu tous les styles de reggae. Je trouve qu'il y a des encarts sympas, ouais. De belles voix, de beaux arrangements. Très très cool. Qui on peut remercier pour cet album aussi? J'ai bossé à huis clos en fait sur cet album. C'est vrai que j'ai pas bossé à l'accoutumance comme on pourrait faire avec tout un groupe, tout ça et tout. J'ai deux de mes musiciens qui sont venus sur deux ou trois morceaux, m'accompagner faire quelques prises. Et sinon, j'ai monté tout avec mon ancien clavériste qui a son studio chez lui. Donc, on a fait des sessions batterie où on a fait poser des batteurs de Paris, des batteurs d'ici, des batteurs de Pierre-Paul-Jacques d'ailleurs. D'accord. Des batteurs du coin, un batteur de Nancy aussi qui a posé aussi sur l'album. D'ailleurs, dans Devil, c'est lui qui est sur le clip aussi. C'est Nicolas Cruau qui avait le groupe de Binveo à l'époque ici. Et sinon, ouais, c'est vraiment un album. Par contre, j'ai voulu bosser à huis clos vraiment tout seul pour voir ce que j'étais capable de faire tout seul en fait. Et bah franchement, c'est vachement propre pour quelque chose. Ça sonne très Tony Neftali, du coup. Ouais. c'est vrai que c'est un peu hors de ce qu'on peut entendre dans le reggae en France en ce moment. Mais, mais bon, c'est ma couleur, c'est la vallée de la Fench, c'est moi. Quoi. La vallée de la Fench. On embrasse nos auditeurs, peu importe où ils soient. C'est ça. Donc, on va partir en musique. On va écouter Devil Society qui est clippé, l'occasion pour moi de dire que c'est très appréciable sur un projet d'avoir de l'anglais et du français. Mmh. Voilà, je trouve que c'est très sympa et ce qui me permet d'enchaîner sur une autre question. Et oui, parce que t'as vu, on enchaîne. La question est la suivante. De quoi parle Devil Society? C'est un peu en fait ce qu'on ressent un peu dans le monde de la société qu'on vit en ce moment. On se sent souvent anxieux. Anxieux. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse, on se sent prisonnier sur plein de choses, de façon d'agir, on a l'impression que c'est tout comme un démon qui nous suit. C'est une société démoniaque qui veut tout le temps te maintenir en bas au lieu de t'élever, de pouvoir te faire prospérer. Quoi. J'arrive pas à voir ça en fait dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. J'arrive pas à voir le côté où on nous met, où on nous fait prospérer et on veut notre bien réellement, quoi. Est-ce que tu veux notre bien avec ta musique? Moi, je veux vous faire passer des choses. Après, des fois, tu peux ressentir des choses qui vont te faire du mal, peut-être, avec ma musique, ou des autres choses qui vont peut-être te heurter parce que c'est peut-être pas ce que tu partages ou pas. Mais je veux qu'en tout cas, tu réagisses à la musique. Et ben, on va réagir à la musique. Très belle phrase. Devil Society de Tony Neftali, issu de l'album Chapter One, clippé sur YouTube, la musique. Donc je vous invite à aller sur les liens, vous écoutez Fadjet Couleur Locale. We'll never see Jah Jah's son. level society, society, society. Hey, it's human society, society, society. Devil Society de mon invité Tony Neftali sur Fadjet dans Couleur Locale 94.2 FM à Nancy et Fadjet.net. Vous l'avez compris, on part pour une demi-heure de reggae, de reggae rock. C'est roots, c'est actuel, c'est toi. Oui, c'est complètement moi. Ouais. Et en plus, on en parlait hors antenne, ça a mis son temps et je trouve ça impressionnant. Ouais, cet album-là, ouais, c'est vrai que c'est des morceaux, ils ont été écrits la plupart entre 2005 et 2008. 2005 et 2008. Ouais. Et que j'ai sorti l'album, j'ai eu plein de projets entre-temps, mais c'est des morceaux que j'ai essayé plusieurs fois de ramener en répète, de les faire, on n'arrivait pas à les jouer. Ah oui, pourquoi ? C'est marrant ça. Pas assez mature, pas assez d'expérience, pas assez de recul sur la musique peut-être, je sais pas. Mais ouais, quand j'ai décidé de refaire l'album, là en 2017-2018, pardon, je me suis dit bon, on va ressortir ce qu'il y a dans les cahiers. Et c'est vrai que ce morceau-là, il me tenait à cœur depuis longtemps de faire. Donc j'ai tout rebossé, tout réécrit. Et ça a donné ça, quoi, la première partie du chapitre. La première partie du chapitre, un chapitre qui est sorti sur les plateformes en 2020. Et puis le confinement, vous le savez, chers auditeurs, bam. Exact. Et là, on a un hiatus de près de 2 ans avant de s'en mettre à la promo. Ben, c'est ça. Bon, en fait, c'était un peu comme mettre des coups d'épée dans l'eau, quoi. Sortir un album, faire une distribution physique, faire des concerts, ben, c'était plus possible. Puis déjà, c'était pas possible pour les grosses boîtes de prod, les labels, les smacks, tout ça. Alors encore nous, qui sommes dans une niche musicale, qui en plus dans la niche musicale, on a un style à part, on n'est pas structuré, ou on n'a pas de structure, soi-disant, des trucs comme ça. Ouais, c'était... Valimé pas partir à la guerre sans armes. C'est vrai. Donc c'est on a attendu, vrai. On a attendu de se poser tranquillement, de voir que les choses se tassent, que les gens soient plus détendus aussi, parce que là, pareil, on était un peu dans une société anxiogène, et travailler dans ces conditions, c'était pas forcément, c'était difficile pour tout le monde, quoi. On a essayé 2-3 fois, c'était pas les meilleures relations qu'on ait eues, donc on a préféré attendre. et reprendre cette année 2023, c'est une bonne date, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre, et là on y est, ça y est, c'est ça. Chapter One qui est déjà dispo sur toutes les plateformes, sortira en édition physique. C'est ça, courant de l'année, ouais, physique en vinyle. Mais... Vinyle, ouais. CD aussi, non que vinyle. CD, il y aura une réédition CD, mais vinyle, priorité vinyle. Ouais. Ah là là là là là là, du reggae en vinyle, cool ça. une vieille vibe, mais tu vois, vieille dans le bon sens du terme, tu vois. Non, sens, vintage, moi j'adore vintage. Voilà, c'est le bon mot. J'adore. Vous écoutez Fadjet, couleur locale, il est 13h15, que vous nous écoutiez samedi ou midi 15, que vous nous écoutiez dimanche, Pierre au micro, si vous avez raté le début de l'émission, pas de panique, elle sera disponible, elle sera une émission, le français c'est magique, disponible en podcast dimanche vers 18h à peu près, je dis ça à chaque fois, mais en général c'est plus lundi, que voulez-vous, ambiance reggae avec mon invité, Tony Neftali, donc toi tu es guitariste, hein, tu l'as dit, hein, amoureux de la guitare à la base. Ouais. Et pas à la basse, c'est drôle, rigole. Moi, je joue de la basse, mais. Je joue de la basse aussi. Un peu de tout, en fait. Un peu de juste tout. Les claviers, je suis un peu moins. Un peu moins guéri. Je suis un peu moins guéri au clavier, mais moi, j'aime bien connaître au moins les bases de chaque instrument pour pouvoir parler avec tes musiciens, tout simplement. Ça aide quand même quand on a des musiciens. Communication, tu peux comprendre ce qu'ils disent et tu peux te faire comprendre aussi quand tu veux quelque chose pour le batteur ou pour autre, quoi. C'est important. C'est important. Alors, je te demandais en première partie d'émission, c'était quoi ton style de reggae ? Alors, je ne suis pas un très grand connaisseur de reggae, mais j'ai envie, ne serait-ce que pour les auditeurs qui écoutent ce genre très sympa et très vaste, que tu nous donnes un peu tes références, un des grands artistes que tu aimes bien. Et là, il va me sortir un groupe de rock. Si on veut rester dans le reggae, oui, je peux te donner plein d'artistes que j'écoute de reggae. Mais après, ce que j'écoute, c'est très loin du reggae. C'est très en loin moment, du reggae, ouais. D'accord. Mais en reggae, oui, j'ai énormément... Bon, Marley, je n'ai pas besoin de le préciser. Évidemment. Ça, c'est sûr. Mais Dennis Brown, qui est quasiment inconnu en France du grand public. Pourtant, c'est comme Johnny Hallyday en Jamaïque. D'accord, c'est okay. Non, c'est marrant. C'était le chanteur préféré de Bob Marley aussi. Donc c'est, avant Bob Marley. Plus de 75 albums à son actif. Ah ouais. Ouais, c'est la plupart des chansons qu'on écoute de reggae aujourd'hui viennent de ses instruments à lui. Ouais, c'est d'accord. C'est le panthéon jamaïcain d'artistes jamaïcains, quoi. Et j'adore la vibes, la voix. Il vient d'être élu d'ailleurs dans les 200 meilleures voix du monde. Ah ouais. Dans le reclassement Rolling Stones qu'il y a pas longtemps. Dennis okay. Emmanuel Brown, qui était son anniversaire le 1er février. Le 1er février. Et tous les ans en février, en Jamaïque, ils font le Reggae Month Celebration pour l'anniversaire de Bob Marley et de Dennis Brown, en fait. Eh ben dis donc, ben j'espère donc qu'on fêtera ton anniversaire aussi un jour. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On est avec toi, Tony Neftali. En reggae, c'est ça, ouais. C'est vraiment les deux, le plus gros Jamaïcain que j'ai écouté vraiment. Eh bien, écoute, s'il y a des fans de Dennis Brown, n'hésitez pas à vous manifester. Mais nous, on est là avec toi, Tony Neftali, sur Fadjet dans Couleur Locale. On a encore deux titres à diffuser, puis l'interview qui va continuer à en apprendre un bien peu sûr. Plus sur toi avec un petit jeu, si tu le veux bien. Bien sûr, je suis joueur. Tu es joueur, eh bien, on fera un petit jeu. Après l'écoute de cet autre morceau issu de ton album Chapter One, c'est un morceau qui s'intitule Burn. Donc, brûler en version québécoise. Ça n'a aucun sens. De quoi parle ce morceau ? Ouais, c'est un peu sur le ras-le-bol, le ras-le-bol un peu qu'on peut avoir en tant que citoyen ou en tant que humain, tout simplement, de voir les choses comme elles se passent et que, bah, comme je disais tout à l'heure, on se bat pour avoir notre toit, on se bat pour avoir notre bouffe, on se bat pour avoir notre paye, mais tout ça, on fait que de payer, payer, payer. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a le temps de vivre ? Est-ce qu'on a le temps de prendre de vivre ? On trouve le temps de rien au final. On n'a même plus le temps pour nos proches, on n'a même plus le temps pour se poser nous-mêmes. Et on se dit, bon, bah, littéralement, on va tout brûler, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est un peu le sentiment que des gens, que beaucoup ont, hein, que beaucoup ont en ce moment, quoi. Et voilà, c'est un peu l'extériorisation. Okay. Voilà, l'extériorisation, tu vois, de ce qu'on peut ressentir musicalement, quoi. Donc, on va pas prendre un chalumeau et aller brûler Nancy ou Paris bien ou tout sûr, ça. Hein, de toute façon, Fadjet l'interdit. Donc, c'est plus question, voilà, de pouvoir s'émanciper. Culturellement et socialement de tout ce qui se passe, quoi. Et ben on va s'émanciper avec toi, Burn de Tony Neftali sur Fadjet dans Couleur Locale. Every day you wake up in a disparate eyes that you don't care. come to play. If every time you make a step, they try to break down your leg, why don't you kick them ass and take a breath and run them gates? So come on, let it go. Should blame. We try to keep an eye on job, on food, on roof, don't you know? But every day we start the same fucking deals. I say, come on, let it go, let it go, let it go. Yes, I let it go. Yes, I let it go, let it go, let it go. Oh, let it go. But now them I go burn, burn. Rasta man, I will up. De Tony Neftali, mon invité sur Fadjet dans Couleur Locale au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net, issu de son album Chapter One qui est disponible sur toutes les plateformes numériques. C'est ça. Il y a aussi donc Deezer, Spotify, etc. Vous pouvez retrouver aussi le premier album Croisade, des singles, donc découvrir ton univers un peu plus largement au cours de ces dernières années. Alors tu es parolier. Bah, tu écris quoi? Tu écris tous tes textes. Oui. Alors je vais te faire jouer un petit jeu, je vais te faire vivre une aventure si tu veux bien. Dis-moi. Ok. Qu'est-ce qui t'inspirerait le plus? Premier cas de figure. Tu es dans un train. Tu rentres d'une tournée. Tu es éreinté. Le soleil se couche. Tu entends le cliquetis sur les rails. Tu t'endors mais pas totalement. Ce soleil couchant, ce voyage, peut-être des bruits de fond, des bruits d'ambiance, ça t'inspire un thème, une chanson, une musique, et tu y penses, tu y penses, tu y penses. Ou, tu te réveilles en pleine nuit, Une nuit somme toute classique. Tu ouvres les yeux, tranquillement. Il n'y a pas un seul bruit chez toi. Tu es bien dans ton lit. Mais tu sais que quelque chose s'est passé. Tu as un souvenir d'un rêve. Une bribe d'une histoire, peut-être d'une musique, peu importe le rêve. Et tu te lèves, tu prends un calepin, tu prends ton ordinateur, ton téléphone et tu notes. Tu notes des notes de musique, peut-être tu notes des mots, car tu sais que les rêves ont tendance à s'évaporer quelques minutes après le réveil. Tu veux pas oublier ça. Alors, qu'est-ce qui t'inspirerait le plus? Une chanson? Plutôt le coucher de soleil dans le train, plutôt les rêves, les deux, aucun des deux. À toi. Un soupçon des deux. Un soupçon de... Avec beaucoup de... Plein de choses différentes, en fait. J'ai... T'as dit ça, t'as rien dit, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Non, c'est vrai que le premier, je dirais plus parce que je dors pas beaucoup. Donc, quand je dors, une fois que je dors et je me réveille, après, c'est parti. Mais en général, quand je me couche tard, c'est vrai que quand j'écris, c'est souvent la nuit. Ou tôt le matin, quand je me lève et que je suis directement en mode travail de musique, quoi. Okay. Mais c'est vrai que c'est souvent tard la nuit que j'écris le mieux, en tout cas. Alors, tu écris très très bien, tes compos sont super, c'est super d'enregistrer un album, mais de musicien à musicien, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce qu'on kiffe aussi, c'est de partager notre univers sur scène, c'est de faire des concerts, c'est, tu vois, cette émotion, cette émulsion. C'est indescriptible. Moi, c'est génial. C'est ce que je sais faire de mieux au final depuis que je suis monté sur scène. J'avais quoi, 13 ans la première fois. Et c'est impossible de me passer de ce moment-là, quoi, de ces vibrations-là. De tous ces... Là, ça faisait presque 8 ans que je n'avais pas fait de tournée. De vraie tournée avec une série de concerts comme ça, avec un album à défendre, un projet à défendre. C'est... Et tu as bien de la chance puisque cette tournée. Elle commence à prendre une forme assez intéressante. Assez intéressante, ouais. Je ne m'attendais pas non plus à avoir autant de dates qui tombent après autant d'années et non plus, ben, en étant non plus personne au niveau national ou même tout ça, quoi. Donc sans tous ces supports, donc tout seul, je suis vraiment... Ouais. Alors on va citer quelques dates, on est content pour toi et Fadjet te félicite en tout cas. On va citer quelques dates, si tu veux bien, qui arrivent dans le coin. Mm-hmm. Donc on a le 25 février, French Reggae Party, Seven Casino à Amnéville avec Nick Baron, Pierre-Paul Jacques, on en parlait en début d'émission. On a le 4 mars au 105 dB. Oui. À Forbach. C'est ça. Ça, c'est une nouvelle salle en plus, je crois. C'est depuis l'époque du Covid, ils ont ouvert, très courageux. Et ouais, c'est une petite salle qui est vraiment cool et que je pense que les groupes devraient contacter pour aller jouer là-bas. C'est vraiment un bon endroit. Et le message est passé, chers auditeurs. C'est ça. Contactez le 105 dB. Bon, il y a pas mal de dates. On peut citer Metz le 4 juin. Au Frigo. Oui. Ouais. On peut citer. Tout le 21 juillet. Si ça se confirme, si on espère bien. Ah, pardon, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Par contre, on peut dire qu'on sera sur Nancy avec Mauric cet été. Ah, avec Mauric en plus, donc quelqu'un qu'on connaît aussi. C'est ça, ouais. Donc pas mal de dates en tout cas. On attend la confirmation de la date, mais on sera cet été à Nancy. D'ailleurs, ça sera ma première date à Nancy. Ah, en 20 ans de carrière. Et donc, du coup, on a le droit à un petit exclu là, du coup. C'est ça. Et en plus, on va vous en faire une deuxième juste après que je te remercie. Donc, je te remercie, Tony, d'avoir participé à cette émission Artiste Reggae. Ben, merci à vous pour l'invitation aussi, à m'avoir accueilli pour cette bonne humeur et cette belle émission, ouais, que vous faites. De rien. Donc, deux albums sur toutes les plateformes. Croisade et Chapter One, tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, on balancera tous les liens, un prochain concert le 25 février au Seven Casino à Amnéville et puis une info exclusive, le morceau que l'on va diffuser, l'un de mes préférés de ton album, il va être clippé, sorti printemps et ça c'est cool, c'est ça. C'est Briser la glace. Exactement. Alors tu connais la chanson, de quoi ça parle? Ben, c'était un peu sur la relation qu'on peut avoir, une relation amoureuse qu'on peut avoir avec la personne avec qui on partage sa vie, quoi. Ouais. De voir ben, qu'il faut toujours communiquer pour pas se renfermer sur soi-même et pour pouvoir avancer, quoi. Et que ce soit ensemble ou pas, qu'il faut pouvoir communiquer, quoi. C'est surtout ça, le briser la glace, quoi. Et ben merci pour ces beaux messages et ta bonne humeur. On écoute Briser la glace de Tony Nestali. Merci à toi. Ça marche. Sur Fadjet dans Couleur Locale. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel artiste. Dans les doutes et les tourments, je me suis frayé un passage. Né de l'amour, j'ai mes sentiments. Pour vous, je me dois de faire face. Combien de fois a-t-on pu essayer de corrompre ma dignité, mon intégrité? Oui, il aura fallu du temps pour que Jah Rastafari te mette à mes côtés. Girl, you wanna know. Depuis le ciel est bleu. vie n'a qu'un seul sens. Ne lui fais pas perdre son souffle. Il y a des jours où la terre tremble. On est des proies faciles pour les vautours. Mais quand tu restes auprès de moi, j'ai la force de me battre chaque jour. Prenons le temps d'avancer droit et de s'aimer sans détour. Combien de fois a-t-on pu essayer de corrompre ma dignité, mon intégrité? Oui, il aura fallu du temps pour que Jah Rastafari well te mette à mes côtés. Girl, you wanna know. Depuis le ciel est bleu, dès que j'ouvre les yeux, je ne peux plus m'en passer. Well done. Qu'elle partage pas ses craintes dans ce monde, remplit son cœur de glace à jamais. Rester serein, laissez-moi briser la glace avec vous, je bois.